Comme ça, on peut vérifier si c'est vraiment correct. C'est beaucoup mieux là. Là, il n'y a plus de problème de latence. One, two, three, four, five, six, seven, eight.

Well, come on. Exactly, guys. This is what I'm calling. This is what I'm calling a real job. Let's go for it. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé, personnellement. Ah, il y a qu'un genre. Ah bah, un autre pianiste, du coup. On va avoir deux pianistes. Oui, ça va être marrant, ici, une fois. Ah, bah, c'est cool. Hi there. Hi, Don Paletone, un Suisse. Nous avons un Suisse. Du coup, j'aurais fait beaucoup de travail, moi.